Pourquoi se méfier du carnaval ? Dans la tradition catholique, le carnaval est la période qui précède le carême, durant laquelle se déroulent des réjouissances publiques, mascarades, défilés de chars, batailles de confettis, etc. Bien qu'aujourd'hui l'événement soit fréquemment exploité par les autorités locales pour créer du consensus et attirer les touristes, les festivités du carnaval réactivent parfois la dimension subversive qu'il a souvent eue dans le passé. Ce fut le cas pour la Martinique en février 2021. En raison de l'épidémie de Covid, le préfet décida d'interdire la manifestation, ce qui n'empêcha pas les Martiniquais de défiler dans les rues en mobilisant les ressources carnavalesques pour défier les autorités et tourner les élites en dérision. Dans le passé, cette manière collective de s'opposer au pouvoir a souvent pris des formes beaucoup plus dramatiques. À titre d'exemple, je parlerai aujourd'hui du carnaval qui eut lieu à Romans-sur-Isère en 1580. Cette petite ville du département de la Drôme faisait alors partie de la province du Dauphiné, rattachée au Royaume de France depuis 1349. Au milieu du XVIe siècle, cette région était traversée par des conflits religieux liés au progrès du protestantisme, mais elle souffrait surtout d'une grave crise économique. La pression fiscale s'était considérablement alourdie sur les classes populaires. Elle s'exerçait notamment par le biais de la taille, l'impôt direct, que le roi exigeait désormais sans négocier son montant avec les représentants de la province. À cela s'ajoutait l'augmentation des taxes que la ville de Romans prélevait sur le prix des produits alimentaires et les multiples redevances que les classes populaires devaient payer à leurs seigneurs. Cette crise déboucha sur une alliance entre les paysans des villages alentours et les artisans de Romans. Ensemble, ils prirent le contrôle de la ville et mirent à profit les festivités du carnaval pour danser leur révolte dans les rues en se livrant à un rituel d'inversion des rôles entre dominants et dominés qui rappelait les Saturnales romaines. Un texte de l'époque décrit bien l'intention subversive de ce rituel. Ils firent plusieurs grandes chaires, branles et mascarades, et durant toute la semaine. Et en leurs branles et mascarades, disoient que les riches de leur ville s'estoient enrichis aux dépens des plus pauvres gens. Les bourgeois aisés et les nobles, confrontés à cette contestation massive de leurs privilèges, s'approprièrent à leur tour le langage carnavalesque. Ils entrèrent dans la danse en endossant les costumes des grands de ce monde. Rois, chanceliers, archevêques, c'était une manière pour eux de rétablir symboliquement la hiérarchie qui les situait dans la classe supérieure. La lutte atteint son paroxysme le dernier jour du carnaval. Les élites reprirent rapidement le contrôle de la ville en massacrant les émeutiers. Les principaux acteurs de la révolte furent accusés d'infidélité au roi, de sédition et de collusion avec l'ennemi, c'est-à-dire avec les protestants. Les meneurs furent condamnés à la pendaison, d'autres à des peines de galères, à la flétrissure publique et à des amendes. Finalement, le rire carnavalesque fut étouffé dans un bain de sang.